Chapitre 10. Combat. Depuis l'aube, le canot glisse dans l'abondante fraîcheur sur le fleuve élargi. Du jour puissant coule par la travée ouverte en haut, à l'intervalle des frondaisons. Au loin, des îles s'échelonnent, et l'image des arbres près de la rive, leurs ombres noires, leur vie frissonnante, possède une beauté vertigineuse. Autour, la forêt comme un antre obscur, à mille ouvertures béantes, toute peuplée des bruits de la vie, formidable couvert de l'éternelle lutte, abriteuse des races adverses, propice aux pièges de l'attaque et aux remparts de la défense, soute aux vivres communes à la bête frugivore et à la carnivore, aux reptiles et à l'oiseau. Vamiré tient le harpon à cran, désireux de frapper quelques poissons. Une quiétude lui est venue. Après les longues courses des derniers jours, une nécessité de repos l'arrête souvent à de petites besognes, réparation d'armes ou de vêtements, affût d'animaux à la chair friande. Ce matin, la pêche le passionne. Déjà deux fois, il a manqué sa victime, car plus prompte fuit la bête des eaux dans les remous de son hélice que ne s'élance la main de l'homme. Une troisième fois, le harpon s'abaisse, et Vamiré, tenant la hampe, darde la pointe aiguë au flanc d'un jeune esturgeon. Le poisson ondule et tressaute. L'écran s'oppose à la sortie de l'arme. Mais sous les bonds électriques de la proie, les liens courent grand risque de rompre. Et il faut que Vamiré manœuvre habilement pour éviter les coups trop nets ou trop perpendiculaires. Il pagaie de la main gauche, pousse devant lui sa prise jusqu'au bord du fleuve. Là, il enfonce davantage le harpon, le soulève enfin et jette sur le rivage l'esturgeon sanglant. Il se hâte de préparer le repas. Bientôt, rongé par les flammes, les branches sèches, les tiges herbacées, ont fait un tas de cendres grises où des tranches de la proie sont enfouies. Elles en sortent savoureuses, de chair tendre, et les deux jeunes gens les dévorent. Un peu engourdis du bon repas, leurs yeux explorent la diversité des choses. Ils sont assez loin de la rive, dans un cirque bordé de hêtres énormes. Les broussailles abondent, travaillant à recoudre l'hiatus, là produit par une vieille catastrophe, à refaire l'intégrité de la forêt. De larges composés s'ouvrent avec une fleur amère et des chardons colosses hérissés, barbelés, croissent superbes et terribles. Hélème et Vamiré rêvent doucement dans une parfaite quiétude. Et voilà qu'une flèche passe à une coudée du psan. Il se dresse, saisit ses armes. Son œil expert découvre des silhouettes humaines derrière les troncs des hêtres. Ces silhouettes bientôt émergent et une volée de flèches plane. À cette heure de péril, l'instinct jette Hélème sur la poitrine de Vamiré, tandis que la lutte s'engage, tandis que les ennemis, au nombre de 7, se rapprochent vivement. Trapus, ce sont les hommes d'Orient, aux yeux d'Ereb. Ils savent la rapidité de Vamiré et se rabattent sur lui en éventail de manière qu'il ne puisse échapper à leurs coups. Déjà les arcs sont tendus, les flèches envenimées, prêtes à parcourir leur redoutable parabole. Mais des voix s'élèvent, dénonçant le danger d'Hélem, et toutes les mains abandonnent l'arc pour la lance. Fier, Vamiré les regarde, et son cri de bataille remue le cœur des plus braves. Il reconnaît dans ses ennemis la race d'Hélem, le crâne large, la peau brune, les yeux sombres. Des tatouages ornent leur front et leurs bras. Un robuste vieillard les guide. Vamiré a pris sa sagaie. Les brins s'abritent derrière les troncs proches. Alors Vamiré étreint Hélème et commence sa retraite vers le fleuve où il espère pouvoir s'embarquer. Un ordre du chef, les flèches pleuvent. Le psan les part adroitement et sa fuite s'accélère. Tactique très bonne dont les orientaux se dépitent, car 3 d'entre eux s'élancent. Mais la sagaie de Vamiré frappe le plus agile et le psan rit du grand rire triomphal de sa race à songer que les deux survivants ne sont point de force à lutter contre lui. Sa massue tournoie dans le vide avec défi. Sa robuste poitrine laisse partir des rauquements farouches. Son bras se plaît à l'extermination. Le chef voit la perte des siens. Il leur ordonne d'attendre, et sous les paroles impérieuses, ils obéissent. Une trêve. Parmi les grands chardons, les Asiatiques se dissimulent, coupant la retraite sur le fleuve. La cendre des hêtres, leur colonnade obscure, les pénombres éternelles sous les frêles croisillons de la branche, va mirer les revis dans une mélancolie belliqueuse, tandis que le soleil éclaire le grand cirque, la levée incohérente des broussailles d'où les Orientaux épient l'ennemi. Dans la tête longue du Psan, à travers la fièvre de la lutte, une impression de lutte pesante, l'effroi de reperdre Elem, de se retrouver pour les longues journées du retour dans le mutisme pétrifiant des choses. Il n'a plus au jet que le harpon. Le capitaine oriental veut une attaque d'ensemble, ou s'il faut qu'un périsse, les autres aient au moins la chance de le venger. Éparpillés afin de ne point offrir une mire trop certaine, ils courent sus au ravisseur. Le harpon ne fait pas de victime, la corne trop tôt détachée de la hampe. Mais Vamiré trouve une ressource nouvelle dans un silex ovoïde qu'il porte sur lui. Il s'en sert comme d'un projectile qui va frapper le vieillard commandant. Celui-ci s'affaisse, stoïque, en lutte silencieuse contre la douleur. Il la vainc, il se relève, rejoint ses hommes et ses traits respirent l'angoisse avec la haine. Vamiré veut encore essayer de fuir. Il saisit Elem, bondit. Des flèches le suivent. Une blessure et c'est la mort. D'ailleurs chargé d'Elem, n'ayant qu'un champ restreint à fournir, presque pas d'avance, il sera rattrapé au bord de la rivière avant que le canot puisse prendre le large. Il dépose la jeune fille, la laisse libre. Elle ne s'éloigne pas, pleine d'anxiété pour le Psan. Il la comprend, et avec une pensée dernière à Zom, à Namir, aux grottes et aux grandes plaines, il accepte le combat. Corps à corps. Les flèches rendues impossibles, la mêlée débute mal pour les Orientaux. Une lance est brisée par la massue de Vamiré, une autre par lui conquise. Et terrible ambidextre, il fait usage à la fois de ses deux armes. Reculant, avançant selon les chances, il parvient à tenir en respect les cinq brachycéphales et même il en blesse un légèrement à la poitrine. Mais ses péripéties l'ont éloigné d'Elem. Il la voit entre les mains ennemies et s'aventure pour la reprendre. Une lance lui ouvre le côté, le sang coule. Sa formidable revanche brise le crâne d'un oriental, en jette un deuxième à terre, l'épaule fracassée, tandis que le chef reçoit un coup de pique à travers la cuisse. Pourtant le Psan s'affaiblit. Ses dernières forces se coercent pour la défensive. Elem pousse des clameurs hurlantes, tandis que ceux de sa race se préparent à l'assaut ultime, tandis qu'une ardeur guerrière fait se traîner l'énergique vieillard lui-même auprès de l'ennemi blessé. C'est la fin. Vamiré s'apprête à fuir. Sa massue fait encore un tour, encore une victime. Puis il ramasse en hâte une lance et un harpon. Il court jusqu'au fleuve, arrive au canot, s'y place et trois coups de pagaie le livrent au courant. Ses adversaires pèsent le danger d'une lutte aquatique. Le chef interdit d'encourir le risque. Alors tous s'emparent de leurs arcs, mais le tir même devient inutile car la barque disparaît derrière un îlot.